Justement, vous aimez beaucoup le mot amour, Pablo Picasso. Mais oui, mais oui, même une jeune fille que le jour m'a interviewé pour je ne sais pas quel jour là, je lui avais dit ça, vous savez, pour moi, il y a quel amour, n'est-ce pas? Vous aimez bien les gens. J'aime beaucoup les gens. Tout le monde. Et si elle n'en est pas déjà, je crois que je vais mettre demain un bouton de porte, n'est-ce pas? Un pot de chambre, n'importe quoi. Est-ce que vous aimez la télévision aussi? J'aime. J'ai commencé à jouer parce qu'il y avait Maria de la princesse Marguerite et quelqu'un m'a prêté un appareil. Alors j'ai vu. En Barcelona, a principios del siglo XX, cualquier pintor con ambiciones, y Picasso las tenía, aspiraba a conocer París, que era la capital mundial del arte, a donde el artista viajó por primera vez en 1900, para instalarse de forma permanente en 1904. Pablo Picasso se instaló en el barrio bohemio de Montmartre, en ese deteriorado edificio conocido como el Butoh Lavaux. Ahí, como ya había ocurrido en Barcelona, Picasso frecuentó la compañía de otros artistas, es decir, de pintores, de escritores, de poetas, como Apollinaire o Max Jacob, y visitó los burdeles, los locales de los bajos fondos y los espectáculos errantes como el circo. Est-ce que si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, est-ce que quelle serait cette toile, quelle serait cette période? La décadence, la tristesse et les petites tragédies quotidiennes que conoció inspiraron el repertorio de las pinturas de sus periodos azul entre 1901 y 1904 y rosa entre 1904 y 1906. Ambos periodos fueron llamados así por el predominio de ambos colores.